façon dont tu m'as abordé, ce tout regard que tu m'as porté, un air d'innocence et de complicité, d'un sourire en coin obligé de liker. Va savoir si je sais encore aimer. À ma façon, j'ai envie d'essayer. Pour tout avouer, je suis déjà cramponné. D'un sourire en coin, obligé de liker. Yeah, de liker. Obligé de liker.